Ok, sac à bras, Fakeroun, Vitosa, 9-3-1-5-0, N-O-R-D. Pour Blanc Ops Street, sac à bras, un pur produit pour le dangereux illicite. Si je te rends visite, trace en courtoisie. Je n'ai qu'une envie, c'est de voir Sarkozy agoniser sur le parvis. C'est pour aucun parti, je n'éprouve aucune sympathie. Et je perds patience, comme la plupart des ghettos trans. C'est la violence et la souffrance qui règne. On traîne souvent qu'avec des idées malsaines. Razouz Renoir, c'est franc. Nique sa mère à la discrimination raciale, physique ou verbale. Bah, une balle perdue dans le buffet. Tu viendras me dire, j'ai les fesses à ta fête. Quand on street, je dirais rap pour les vrais. 93 et tout cas craque comme le refrain. Alisa, les tilleuls, les bastards, Vertessi, le sangou, anti-blond, bon nom, pasteur, mandat, les quatre tours, casa, montier, vaché, la centrale, tout ça c'est Blancoc et Blancoc c'est la street. Blancoc, nord, sud et centre, pour hardcore quand y'a descente, on vient braquer le rap avec un calibre sur sa tempe. Pas besoin de gants, trempe pas le doigt sur la détente. On représente toujours le 9-3-150. Agro pillé, le micro on aime trop le plier. La France l'a pillé et manier les armes contre ce système qui nous désarme dans nos HLM. Et partout à Blancoc c'est la même. On cherche qu'à niquer l'État qui nous l'a mise il y a déjà un moment. Mon État ça va un peu pour le moment. Vous avez laissé passer une véritable bombe à retardement. Indépendant jusqu'aux couilles, tu connais le slogan. En mode charbonnage surtout, n'oublie pas les gants. Sinon c'est le chômage, en classe y'a plus de plan. A toi de rester prudent frère, tu sais, tu peux en prendre pour longtemps. Alisa, les tilleuls, les bastards, Vertessi, le sangou, Ponty Blond, bon nom, pasteur, mandat, les quatre tours, casa, montier, vaché, la centrale, tout ça c'est Blancoc et Blancoc c'est la street. Fermez sa gueule, impossible. Ça fait déjà un moment qu'on est pris pour cible. La police nous aime pas, ça tombe bien nous aussi. Ce son, c'est pour la famille et les mecs de Tessie. On revient plus des terres, majeurs on les réfère. Préparez vos prières, face au trio de l'enfer. On a le jour, et chaque jour, on veut plus d'oseille. On touche un peu à tout, du moment que ça paye. Le bordel, comme une soirée à l'hôtel, accompagné de chiennes. Bouteille de Polyakov, les sopranos, là la catastrophe. Du rap français, défoncer la porte, la fracasser. À coups de chassé, entassé dans nos blocs. C'est du lourd de Blancoc, c'est pour tous les blocs. On arrive et on force, juge qu'un peu propre. C'est trop fort pour hardcore, tout droit de bloc en blanc. Alisa, les tilleuls, les bastards, Vertessi, le sangou, Ponty Blond, bon nom, pasteur, mandat, les quatre tours, casa, montier, vaché, la centrale, tout ça c'est Blancoc et Blancoc c'est la street. Dédicace, Luciano, Mister Phenom, Blancoc Street, Alisa, PYAZ, Sip. Alisa, les tilleuls, les bastards, Vertessi, le sangou, Ponty Blond, bon nom, pasteur, mandat, les quatre tours, casa, montier, vaché, la centrale, tout ça c'est Blancoc et Blancoc c'est la street, c'est la street, c'est la street, c'est la street.